Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et oui, vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique, le magazine culturel qui passe du coq à l'âne en direct sur le 94 FM à Toulouse ou en streaming, où vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes jeudi 14 février 2019, il est 18h01. Derrière la vitre, François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique. Son nom est Tyson. Il développe différents projets musicaux, seul, avec Tyson Solo, ou entouré d'amis, avec Tyson Quartet. Tyson joue du clavier, mais aussi de la guitare, de la flûte traversière, ou encore du violon. Et c'est depuis 2017 qu'il compose sa propre musique. Il dit, je cite, que la musique est pour lui une émotion et un mouvement. Une émotion appelant à la danse, un mouvement appelant à la vie, à sa vie, à lui. Et peut-être, il l'espère, à celle des autres, la musique permet cela, faire que nos bouts d'humanité se touchent. De l'électro à la musique classique, en passant par le jazz, Tyson dit encore que l'espace reste ouvert, minimal, pour que chacun se sente libre de vivre et jouer, et danser ou simplement voyager en silence. Son vrai nom, c'est Guilhem. Et ce soir, il est avec nous, entouré d'amis en direct dans les studios de Campus, avec Andreas Kyriakou, bassiste, Hugo Burchard, batteur, et un nouveau trompettiste, Camille Florio. J'ai fini mon introduction. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir envahi les studios de Campus FM ce soir. Merci de nous avoir laissé envahir ces studios. Bonsoir Andreas, bonsoir Camille, bonsoir Hugo. Vous êtes venu aussi avec Julien qui va filmer le live de tout à l'heure. Et Marie-Lys, merci Marie-Lys qui est cachée dans un coin, qui travaille à la communication de Campus. Alors ma première question, évidemment, d'où vient le nom Tyson? Et je dois dire en entier Tyson Kaltenbach, Bach. Kaltenbach, accent allemand, Kaltenbach en français. Donc Tyson, c'est un prénom japonais. C'est ça. Ouais. Et en fait, il vient du maître zen de ma mère, qui s'appelait Tyson Deshimaru, qui est venu enseigner le zen dans les années 60 en France, 60 ou 70. Et ma mère a été disciple de ce maître, Tyson Deshimaru, et elle m'a donné son prénom, en second prénom. Ah donc c'est votre second prénom? C'est mon second prénom, voilà, que j'ai décidé de prendre en nom d'artiste, en nom de scène. Très jolie histoire. Vous avez tiqué tout à l'heure quand j'ai dit que vous jouiez du violon. Oui, c'est-à-dire que le violon, je l'ai pris en main quelques mois. Ça a été un feu de paille, j'ai adoré. Au même titre que la trompette. C'est des amours fugaces, en fait. Et le violon, voilà, pendant 6-7 mois, j'étais à fond. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la montagne était trop grande et trop haute et qu'il fallait faire des choix. Donc je l'ai laissé dans le placard. Et la guitare et la flûte traversière? Et la guitare et la flûte traversière, j'ai beaucoup voyagé. Donc il a fallu que je choisisse d'autres instruments pour voyager parce que le piano, c'était un petit peu lourd. J'ai pas le gabarit pour porter encore un piano sur les épaules. Donc flûte traversière et guitare, ça a été les instruments compensatoires qui m'ont suivi dans toutes mes pérégrinations. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble, alors tous les trois, puisque Camille, le trompettiste, est là depuis pas très longtemps. Oui. Avec Andreas, on s'est connus à Barcelone il y a une dizaine d'années. Donc, voire plus. Ouais. Ça nous rajeunit pas, ça, André. Et du coup, ouais, on jouait pas mal ensemble là-bas. On a fait une tournée en Italie. On a joué de la musique traditionnelle italienne sur les routes et dans les petits villages des Pouilles. C'était juste fabuleux. Et avec Hugo, on s'est rencontrés en jam. On a commencé à jammer ensemble et puis son jeu de batterie m'a beaucoup plu. Sa musicalité, sa finesse, sa manière de faire avec la batterie est très originale. Et je lui ai proposé, du coup, quand je montais ce projet, de rejoindre, de faire partie du voyage. Il a accepté. Donc c'est vous jouiez en solo et vous avez eu envie de monter un quartet. Non, je jouais dans d'autres groupes et des groupes où je ne composais pas. Et c'est il y a un an et demi où j'ai décidé de lâcher tous les groupes dans lesquels je jouais et pour me concentrer à la composition et à la formation de mes propres groupes. Et alors donc, Camille, vous êtes trompettiste et vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps parce qu'avant c'était Marco, comment on dit en italien, Marco Recchioni, qui est rentré en Italie. Bah oui, ça fait quelques semaines, je dirais. Ah oui, c'est très récent. Ouais, c'est très récent, puisqu'on a fait un concert ensemble et quelques répètes. Voilà. Alors, vous l'avez trouvé où, Camille Taïsen? Eh bien, Camille, je me baladais dans la rue, comme ça, et puis... Oh, ça arrive. Il était sur le rond-point, en fait. Il avait un gilet jaune, je lui ai dit, mais viens jouer avec nous. Non, Camille, c'est quelqu'un qu'on se connaît à travers la Candela, un lieu culturel à Toulouse dans lequel je travaille aussi. Et je rencontre beaucoup de musiciens. Et Camille, on s'est connus comme ça. Il nous est arrivé de jouer de temps en temps ensemble. Et de la même manière, je lui ai proposé, parce que j'aimais beaucoup son et sa manière de jouer. Et ça n'a pas démenti, puisque les répétitions et le concert se sont tellement bien passés qu'on a décidé tous ensemble de le garder. Et lui en premier, il a dit il y a deux jours officiellement qu'il restait dans le groupe avec nous. Ouais. Welcome. Et il fallait évidemment une trompette, qui a un son quand même. Ah oui, la trompette, c'est magnifique. Voilà, j'ai commencé la trompette comme je vous ai dit, mais voilà. Il y en a d'autres qui jouent beaucoup mieux que moi. Alors vous dites, je cite encore, vous inspirez du jazz moderne, de la musique classique et de la musique électro. Pour autant, votre musique ne s'enferme dans aucun de ces styles. Elle reste narrative, dynamique et ouverte. Alors je me suis demandé si, je me demande toujours cette question quand je fais des interviews musicales, définir sa musique, son style, ses inspirations, est-ce que ce sont des mots pour se présenter parce qu'il le faut, ou est-ce que ça correspond vraiment à quelque chose? J'espère que ça correspond à quelque chose. Disons que les mots doivent avoir une correspondance avec la musique, sinon ça serait dommage. Donc les choisir, il faut bien les choisir pour au début les gens lisent plutôt que n'écoutent. Donc c'est une petite fenêtre sur un monde qui est fait de sons. Donc c'est assez toujours délicat de présenter un groupe avec les mots, de présenter une musique, surtout que la nôtre effectivement est et il y a beaucoup d'influence à l'intérieur et on peut pas la définir avec un genre spécifique comme ça se passe d'ailleurs énormément actuellement avec tous les croisements musicaux il y a jamais un seul genre, il y a toujours plusieurs genres et de là naît la richesse aussi de ces nouvelles compositions. Quelque chose à ajouter sur la définition du groupe? Personnellement, Andreas. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire que ça dépend de la chanson qu'on fait. On a passé pas mal de conversations à chercher des mots, à définir dans quelques phrases qu'est-ce qu'on dit quand les gens demandent comment on se présente. Ça dépend de la chanson qu'on fait. Et donc, il y a des moments où c'est très jazz, il y a des moments où c'est pas du tout jazz, il y a des passages qui viennent plus de la musique classique. Pour moi, il y a toujours ce côté de la pop dans le sens qu'il y a, des couplets refrains, même s'il y a une musique instrumentale, il y a quand même cette idée de structure d'une chanson, couplet refrain, un pont, un refrain de solo. Je pense que c'est difficile de mettre en démo sur une musique qui a autant de couleurs. Eh ben on va écouter la musique pour voir les couleurs de Taïsen. On écoute un de vos morceaux, le morceau s'appelle Grain de sable. Thank you. En direct sur Campus FM, on écoutait Grains de sable par Tyson Quartet à l'occasion, entre autres, de leur concert au bar L'Évasion. C'est samedi le 16 février, rue Saint-Michel à Toulouse. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Tyson et Hugo, d'ailleurs, vous me disiez que c'était ce morceau Grain de sable, le premier morceau de votre premier concert, le 21 février 2018, donc il y a juste un an. Il y a un an, ouais. Il a été enregistré en concert, c'était où ? C'était à l'Espace Roguet. Voilà, c'est notre première sortie en public, et c'était le tout premier morceau qu'on jouait en live. Et il n'y a pas de trompette ? Sur celui-ci, non. Non, non. Très bien. On varie les couleurs. Elle se fait attendre, disait Camille. Hors antenne, Tyson, j'ai lu sur vous, je cite, « Entre mélancolie et joie, minimalisme et dynamisme sonore », on vient de l'entendre quand même, « le set s'ingénue à prendre l'auditeur par surprise sans jamais tomber dans l'anecdote ». Est-ce que ça vous parle, cette citation ? Alors oui, ça me parle parce qu'il me semble que c'est moi qui l'ai écrit. Pas mal, pas mal. Et mais ouais, je trouve ça assez juste en fait. C'était pas signé de vous, tant pis. Ouais, non, c'est mais c'est vrai, c'est cette idée de trouver dans chaque morceau et dans la structure des morceaux des variations, des chemins de traverse pour que vraiment prendre vraiment voilà l'auditeur par surprise. Et qui n'est pas une routine ou une lassitude qui s'installe dans l'écoute. Donc ça se travaille énormément avec le groupe pour trouver vraiment notre son et notre couleur. Donc Andreas tout à l'heure disait que chaque morceau a vraiment une personnalité assez distincte et à la fois on cherche une cohérence et une couleur qui se dégage du set entièrement pour pas que ça fasse patchwork. Donc je pose souvent la question aux gens, qu'est-ce que t'as pensé de la cohérence du set, etc. Et les gens nous disent, mais oui, on vous a suivi, il y avait un fil rouge qui était derrière tout ça, et on vous a suivi jusqu'au bout. Ouais. Comment vous composez les morceaux ? Vous êtes tout seul à composer ou... Alors oui, pour ce projet, oui. Je compose devant mon ordinateur, devant mon piano, dans ma petite bulle en huis clos. Mais le travail de composition et d'arrangement, mine de rien, continue quand je mets les partitions devant les amis. Chaque instrument a sa partition. Voilà, en fait, il faut vraiment voir comment ça sonne en live, en direct, avec le feeling de chacun. Et après, il y a toujours des ajustements où chacun voilà va pouvoir dire là, ça pourrait mieux sonner comme ça. On a des choses qui ont été complètement effacées et réécrites. Notamment des parties de basse qu'Andreas propose et qui sonnent effectivement beaucoup mieux de ce que j'avais écrit moi. Et petit à petit, voilà, ça se fait comme ça et chaque musicien apporte sa petite touche et on trouve une richesse en fait à ce partage en fait de quelque chose qui est très écrit à la base et qui petit à petit de manière organique se font en groupe voilà et aux autres influences dans votre projet solo le travail de composition est très différent et il est assez différent parce que là je fonctionne j'ai un clavier et un synthétiseur devant moi donc je ne travaille pas forcément devant l'ordinateur mais au fur et à mesure en jouant et en rejouant les morceaux en trouvant des choses après je les enregistre et puis après je les fixe voilà donc le travail est un petit peu différent ouais quand je travaille seul. Andreas, vous êtes donc bassiste, donc oui. Bassiste et bassiste synthé. Ouais, c'est ça. Et vous jouez comment entre les deux instruments suivant les morceaux? On a choisi ensemble une fonction de son qui chaque chanson nécessite. Et c'est assez simple. Il y a des passages que c'est très évident que c'est de basse électrique et d'autres que c'est très évident que c'est de basse synthé. Et en fonction de ça, on cherche le son ensemble. Mais sur un même morceau, vous pouvez... J'ai quelques thèmes où je bascule. Ça marche plutôt bien. Et quand Tyson disait que, par exemple, vous ameniez une touche sur quelque chose qu'il avait composé, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer? Ouais, c'est pas bien facile. Sûr. Mais, ça dépend du morceau, mais il y a des éléments, des instruments qui sont plus définis que d'autres. La batterie, souvent, n'est pas super définie. Pour une question très pratique, c'est programmer une batterie, c'est pas très facile. Programmer une batterie comme Hugo joue, c'est pas facile. Programmer Hugo non plus, c'est pas, c'est pas toujours simple. Mais... Il n'a même pas de micro pour se défendre. Et en ce sens-là, moi j'arrive, je vois les lignes de basse qu'il a composées, qu'il a écrites à Guilhem. J'entends, je vois comment ça sonne et moi je le prends plus comme des indications que d'une partition venant d'une musique classique où chaque note est exactement ce qu'il faut jouer. Moi je l'entends, si tout est en place, je ne fais rien d'autre. Mais de plus en plus, ouais. C'est rendre une partition vivante. Même dans la musique classique, on est censé interpréter une partition avec plus ou moins de liberté. Et c'est comme ça que j'ai pris la ligne. Vous êtes né en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. Oui, madame. So, what are you doing here in Toulouse? Mais, j'ai rencontré ma femme en Barcelone il y a longtemps, il y a 7 ans. Là, vous avez rencontré Thaïsen. Mais, non, j'ai rencontré. Non, vous aviez la même femme en fait, et puis. C'est plus en c'est sûr que ça. Hein. Non, j'ai rencontré ma femme il y a 11 ans, 12 ans, et elle est revenue à Toulouse. Ça fait 7 ou 8 ans, et donc moi je l'ai suivie. J'ai lu que vous avez découvert la musique avec les comédies musicales. Ouais, ouais. Est-ce quel genre aux États-Unis Le théâtre de l'école. Dans les écoles, quand j'y vais à 7-8 ans, et c'était comme un jeu. On jouait avec des mots, des phrases, avec des textes. Et pour moi, c'est toujours resté comme ça. Hugo, c'est à vous. Donc vous êtes batteur. Alors j'ai lu que vous aviez une approche musicale intuitive. J'ai pas compris. C'est peut-être Thaïsen qui a écrit ça, d'ailleurs. C'est pas vous qui avez écrit ça, Thaïsen. Bah, intuitif dans le sens que je passe d'abord par ce que je ressens sur le moment. Pardon, je passe d'abord sur le moment présent pour jouer ce que j'ai au fond de moi, quoi. Donc ça a du bon, mais c'est vrai qu'après je suis pas toujours super carré dans ce que je joue, quoi. mais en tout cas voilà quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est sincère, quoi. Donc voilà quoi, c'est ça qu'on essaye de chercher quoi, d'être le plus fidèle à ce qu'on ressent. Vous avez une formation, vous avez une formation de musique contrairement à Thaïsen qui est plutôt autodidacte, c'est ça? Oui, ben moi je suis arrivé à la base j'étais à Montpellier, je suis allé au Jam là-bas. Et donc du coup qui est une école de jazz, et après je suis venu à Toulouse pour faire musical et donc voilà, et là je suis actuellement au conservatoire et à l'école de batterie Agostini aussi, donc voilà, je suis toujours en formation. Très bon élève. Est-ce que tous les deux, voilà. Tous les trois, enfin vous avez d'autres formations dans lesquelles vous jouez professionnel? Pas pour l'instant, non. Andreas, non. Camille? Oui. Moi, alors Camille, j'ai vu que vous jouiez à Paris avant dans Arad Kilo. Oui, moi je. Donc ça c'est un groupe d'Ethio Jazz, puisque s'il fallait le définir. Ouais. Exactement. Bah j'ai joué pendant 5 ans dans ce groupe. La trompette. Voilà donc. La trompette. Voilà, quasiment un peu de clarinette basse aussi occasionnellement. Et je suis arrivé à Toulouse, c'est la cinquième année que je suis à Toulouse. J'avais envie de changer d'air. Et du coup, j'ai intégré plusieurs formations toulousaines, des projets qui sont montés. J'ai moi-même monté aussi un gros ensemble qui a tourné pendant 2 ans. Et demi. Gros ensemble? On était 10. Un gros ten-tête de jazz. Pas que des cuivres avec beaucoup. Non, il y avait 6 cuivres. Ouais. Et sinon, c'était un petit big band, quoi. Donc, guitare, piano, contrebasse, batterie en rythmique. Voilà, c'était gros, gros travail. Et puis, sinon, actuellement, là, je joue dans un groupe de musique colombienne qui s'appelle Super Panela. Très bien. Et voilà, et qui joue d'ailleurs demain soir au Taquin, s'il y a des gens qui veulent venir nous voir. Donc, vous jouez demain soir au Taquin? Je joue avec demain ce soir groupe. Avec Super Panela. Et le Guayabo Collectivo, enfin les Guayabo Brothers. Et sinon, j'ai un troisième projet qui est plus orienté mise en scène, conférence mise en scène, sur lequel qui est une création. On est en trio, que des cordes, qui s'appelle c'est le collectif Cordialement. Et là, je joue de la contrebasse. Voilà. Mais c'est pas le groupe de rock auquel vous pensez. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est les deux sont nés en même temps. Les grands esprits se rencontrent, mais on fait pas du tout la musique. Mais non, ouais. Voilà. Puis. On les a déjà reçus ici. C'est bien possible. C'est bien possible. Voilà. Il vous arrive de jouer dans des concerts privés chez les gens? Taïsène, donc là vous jouez en quartet? Oui, ça nous arrive. Comment ça se passe? C'est sympa ça? C'est plutôt sympa. On n'a pas fait ça énormément encore avec le quartet parce que il y a quand même une batterie. Enfin, ça envoie du lourd. Il y a du matos. Trompette, batterie, kick électro, etc. Donc, forcément, les appartements, les maisons à Toulouse, c'est pas forcément le meilleur lieu où jouer ce type de musique. Mais avec mon solo, oui. Avec mon solo, je peux tourner dans les appartements, dans les maisons. Et c'est plutôt agréable, du coup. De pouvoir partager et être mobile de cette manière. Ouais. Donc là, on peut vous appeler, vous dire un coucou, je vais faire une soirée chez moi. Comment ça marche? Oui, il faut juste m'appeler, avoir mon numéro et voir les conditions. Et bien sûr, ouais. Ouais. Rien à voir quoique, chers auditeurs, le temps que Taïsène Quartet s'installe pour un live dans nos studios en direct. Je vous propose de nouvelles divagations de Lou. Pour Lou, aujourd'hui est un jour de courage, on écoute des états d'âme. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Aujourd'hui est un jour de courage. J'ai entendu quelqu'un dire que le vrai courage, ce n'est pas de tout laisser lorsque l'on n'a rien à perdre, mais de le faire lorsque l'on a tout à perdre. J'aime bien l'idée d'un vrai courage. L'idée d'un vrai danger, d'une vraie adrénaline, du surplace par confort, du rétropédalage par faculté d'occulter, du cynisme par tristesse, de la défense par lâcheté, de l'amour par obsession, de la solitude. Le courage. Ça vous est déjà arrivé d'oublier de faire preuve de courage? Comme oublier ses clés, oublier ses chaussures, oublier du matériel, du concret, du solide, mais oublier d'aimer, oublier de prendre le temps d'oublier pour recommencer. Recommencer l'oubli de la non-obligation de se rappeler. Se rappeler toujours. Se rappeler en vain. Et les souvenirs s'étreignent, puisqu'ils ne sont que des fictions. Des oublis reconstruits. Qu'on allait s'entrechoquer, je ne chantais que des onomatopées pour faire américain, mais tu te moquais. Je me souviens, je me souviens, je me souviens avoir oublié d'être fantôme de ma vie, courageuse lâche. Guerrière fragile. Entre les nuages, carré dans le ciel, comme avant. Ta robe à la couleur petit déjeuner, c'est celle que tu portais au karaoké. Quand tu te demandais ce que je devenais, je ne savais pas qu'on allait s'entrechoquer. Mais rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. Merci Lou, guerrière fragile, pour ces nouveaux états d'âme sonores. On te retrouve sur les ondes de Campus FM demain en direct avec Thaïs pour la matinale presque quotidienne Milkshake et des confitures. C'est de 8h à 9h et pendant ce temps-là, Tyson Quartet s'est installé pour un live dans nos studios. Je crois qu'ils sont fin prêts. Nous sommes en direct dans Rien à voir, quoique, chers auditeurs. Vous pourrez également nous suivre pour un live Facebook. Tout de suite là maintenant sur le compte de Campus FM. Messieurs, c'est quand vous voulez. est dans Rien à voir quoique sur Campus FM en direct avec Taïsène. Vous pouvez nous retrouver sur le réseau social Facebook en live. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Taïsène est en live pour un dernier morceau. Deux derniers morceaux, deux morceaux encore. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook. Andreas, tu vas bien ? Et c'est, on a fini? Alors, je vous laisse vous installer pour le... On va... Et puis moi, il faut que je retourne dans les studios, donc c'est un peu compliqué. Taïsène, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces quatre morceaux que vous avez joués? Alors, le premier s'appelle Whispering, Murmure. C'est en général un morceau qu'on fait en entrée de set. Le piano commence seul et petit à petit les musiciens viennent et terminent d'accompagner le morceau jusqu'à la fin. Et Tea time très différent. Là, on a vraiment choisi pour présenter le groupe aujourd'hui. Assez électro d'ailleurs. Ouais. On a choisi de jouer contraste avec des thèmes voilà qui sont plus de l'ordre de la balade et d'autres où on se lâche un peu et en général où les gens terminent par danser sur la piste. Celui-là par exemple dans le set vous le mettez plutôt à la fin ou Ouais, il y a une évolution dans le set on essaye de... Combien de morceaux? On a 14 morceaux. Ah ouais. Voilà et oui, on essaye de c'est une évolution narrative à l'intérieur de on fait évoluer les morceaux pour petit à petit de l'introspection arriver à quelque chose de beaucoup plus festif en fin de set. Donc j'ai La Nuit et Black Coffee. Black Coffee, ouais, c'est celui qu'on fait en général en dernier, voilà. C'est là où on lâche tout et on s'amuse énormément à le jouer à chaque fois, quoi. C'est dur de trouver des titres, Whispering, Tea Time, Black et Coffee. Ouais, c'est parfois ils arrivent comme ça tout seuls, naturellement, et d'autres fois il faut les chercher. Vous cherchez tout seul ou ça peut être un boulot de groupe? Ça peut être un boulot de groupe aussi. Je crois qu'on, je sais pas si on a trouvé des noms ensemble. Non, la plupart des thèmes, c'est Guilhem qui les amène déjà titrés. Déjà titrés, ouais. Après, ça peut évoluer aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de place à l'improvisation en concert comme dans le jazz? Il y a des plages d'improvisation à l'intérieur même de la structure du morceau. C'est-à-dire que là, on ne sait pas combien de mesures cette plage va durer. On a quelques morceaux où là, on est vraiment dans une improvisation collective. Et ce qui nous plaît aussi énormément, ça donne une spontanéité au live, au direct, qui est vraiment savoureuse et pour nous et pour le public. Hugo, vous hochez de la tête là-dessus sur l'improvisation? Oui, parce que... L'improvisation, je pense qu'elle est super importante parce qu'il y a pas mal de moments super écrits, mais après, quand c'est l'impro, on est en train de dire autre chose, quoi. Mais bon, c'est quand même le même morceau, ça reste quand même, tout reste dans un ensemble. Donc, non, moi, l'improvisation, quelque chose qui me parle beaucoup. Andrés. Oui, justement, le mélange, le contraste des parties improvisées et des parties écrites, c'est là où on rejoint les couleurs. La première question que vous avez posée, oui, c'est à propos de la manière qu'on se présente, la manière qu'on... C'est vrai que là, on l'a bien vu, quatre styles complètement c'est différents. C'est justement ça. Et chaque... Dans le pop et dans la musique classique, ou typiquement, même le pop moderne actuel, c'est tout est très écrit, très composé. Les musiciens, sur un disque, sur un live, ils font... j'exagère, mais ils font la même chose. Et nous aussi, on a des passages où c'est plus cet esprit de la musique pop ou de la musique classique, où c'est vraiment très écrit... avec une manœuvre d'improvisation. Et il y a d'autres parties, même d'une seule chanson, où l'improvisation, et je ne parle pas que des solos, où ça prend de priorité. J'ai perdu le fil. Désolé, vous m'avez perturbé, Andréas. Vous jouez... est-ce que vous avez enregistré, d'ailleurs, un EP, un CD, CD, d'ailleurs? Non, c'est le chapitre prochain suivant. Du groupe. C'est le chapitre suivant. On en a fort besoin. Donc, Juste, où est-ce qu'on peut écouter vos morceaux? Sur Taïsen... sur le site? Ouais, sur le site. Donc, taïsen.org. Et puis, il y a un onglet Taïsen Quartet. Donc à l'intérieur de ce site, sur Facebook aussi, je crois qu'on a donc là, oui, c'est on a des choses sons aussi captés pendant les concerts, ce qu'on voilà, a là, entendu. Exactement, là il y a deux vidéos, voilà qu'on a pris une captation live de notre premier concert. Et là, on a bien évolué depuis un an. Il y a des nouveaux membres qui sont entrés dans l'équipe. On aimerait bien refaire une vidéo, mais cette fois entourée d'ingé son professionnel. Et voilà, donc c'est professionnaliser le projet, c'est le chapitre suivant. Est-ce que vous allez jouer dans des salles? Parce que j'ai vu que vous jouiez plutôt dans des bars. Oui. Au Bohème, à la Loupiote, souvent à Toulouse. Et ça pourrait être au Taquin? dont vous citiez tout à l'heure, Camille, oui, d'entre jazz. Oui, ça pourrait rentrer dans leur programmation, mais après, c'est on y a pensé, ouais. Oui, vous y avez pensé. Si tu nous écoutes, programme-nous. On a pensé au Zénith, au-dessus de la Zénith. Mais c'est une bonne question pour savoir quelle salle on cible. C'est un projet qui peut s'adapter à des bars. Pas tous les morceaux. Parfois, c'est certains morceaux qui sont très nuancés. Il y a besoin d'une certaine écoute. D'autres qui imposent directement quelque chose à l'espace et c'est beaucoup plus facile, justement, de s'y retrouver dans un bar. Mais c'est une musique qui peut très bien s'écouter aussi dans des plus grandes salles. Et c'est un peu l'idée aussi d'aller toucher une autre dimension et d'aller jouer dans des salles un peu plus grandes. Des vraies salles, quoi. À l'espace Roguet. D'ailleurs, on va jouer à l'espace Roguet. À l'espace Roguet, par exemple, on va jouer à la balle du 8 mai, oui. Et vous avez une date donc samedi, donc c'est dans un bar à l'Évasion. Samedi prochain. Ouais. Qui a un titre Rattraper the Anti-Jazz Party, Paris. Alors, exactement. Ça, je laisse Andreas expliquer le terme The Anti-Jazz Party. Vous avez trouvé ce nom étrange? Oui, c'était en revenant d'un concert de Guillaume Mémon dans la voiture. Et on discutait sur une accroche, sur comment un slogan, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans 3-4 mots. Et on discutait un peu pour des lieux comme ça là, si on faisait de jazz ou pas de jazz. C'est ouais, on fait de jazz, mais il faut surtout pas dire qu'on fait de jazz. Ça fait penser à des groupes de standard de bebop ou de standard de Bill Evans. C'est surtout pas ça, mais on fait quand même du jazz. Et en parlant comme ça, mais c'est pas jazz, mais c'est l'anti-jazz. Mais c'est ça. Et donc c'est quand même festif et on souhaite de bouger ce côté festif dans l'anti-jazz party. Qui aime bien le jazz, j'ai trouvé ça, ouais, je sais pas. Ça prête à confusion. Ouais. Ça peut prêter à confusion. Demain, quel genre de gens Ils nous posent des questions en concert. D'ailleurs, c'est quoi l'anti-jazz? Et donc, on sait, mais c'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est encore sur la table, mais on le met. On l'expérimente. Anti-jazz party. Why not? Merci beaucoup, Tyson Quartet. Je crois qu'on a un petit peu de temps, donc je répète Tyson et Guilhem. Donc vous l'appelez plutôt Guilhem de son prénom. C'est ça. C'est ça. Andreas Kyriakou. Très bien. Hugo Burchard, Camille Florent, d'être venu faire un tour. Qu'est-ce que j'ai dit? Florio. Camille Florio. C'est vachement mieux. Donc, le prochain concert, c'est demain. Quelles autres dates? Après, on est jeudi, là. Donc, après-demain, samedi. Samedi, le 16. Voilà, ouais. Après-demain. C'est gratuit, à 20h30. Voilà. Et on a une date à la Candela au mois de mars, dans le cadre du cycle du jazz que programme la Candela chaque mois de mars. De l'anti-jazz. De l'anti-jazz, du coup. Et il me semble que c'est le 23 mars. Et après, tout est sur le site internet et le Facebook pour les dates suivantes que je n'ai pas en tête. Et votre site www.tyson.org. On a un petit peu de temps, François, donc on va mettre un morceau de Nina Simon que vous aimez bien, Tyson. Incroyable. Ça s'appelle Feeling Good sur son album I Put a Spell on You, sorti en 1965. François? François, on a un petit peu de temps, donc je voulais mettre Nina Simon, pardon. Merci. Pour la Saint-Valentin, non? C'est pas ça, non? Pour la Saint-Patrick. Ah, la Saint-Patrick. Voilà. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel, river running free. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. fly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. On écoutait Feeling Good par Nina Simone sur son album I Put a Spell on You, sorti en 1965, et c'est effectivement l'heure de se quitter. Merci encore à mes invités qui sont là et qui vont ranger leur matériel. Merci beaucoup, Anna. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, ouais. Donc on se voit samedi pour l'anti-jazz party. Merci François à la réalisation technique de l'émission et à la post-production. Et merci Marie-Lys qui est encore là à filmer ce live qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission et toutes nos émissions sur la plateforme de partage et d'écoute Mixcloud. Je vous laisse en compagnie de Malcolm Mike. Je l'ai vu passer pour une nouvelle émission de News in Food. Michel, t'es là? C'est du new. C'est de la soul, c'est de la food. Très belle soirée sur les ondes de Campus FM.